La vengeance de Samuel Lowgood par Marie-Elisabeth Braddon. Du commencement jusqu'à la fin, nous fûmes constamment ennemis et rivaux. Il se peut que la haine, qui devint une passion si terrible entre nous, commença de mon côté. Cela peut bien être. En tout cas, il a toujours dit qu'il en était ainsi. Je suis un vieillard. Bien des choses se sont effacées. Mais la période de mon existence qui se rapporte à lui se présente à mon esprit aussi fraîche aujourd'hui qu'il y a 50 ans, lorsque sa gracieuse majesté George II était roi, et que Christophe Weldon et moi étions petits employés ensemble dans l'importante maison Tyndale et Tyndale, armateurs, à Willborough. Il était fort joli garçon. C'était dur pour un être pâle, chétif, aux yeux caves, et aussi insignifiant que je l'étais, d'être placé au même bureau que Christophe Weldon, et de deviner le résultat des comparaisons que devaient nécessairement faire tous ceux qui entraient dans le bureau lorsqu'ils nous regardaient, si on nous regardait toutefois. Mais il était difficile de ne pas regarder Christophe, bonté du ciel. Je le vois encore assis devant le vieux bureau, usé, fendu, tout taché d'encre, et les rayons du soleil de juillet filtrant entre les sombres volets de l'appartement et se jouant sur les boucles blondes de ses cheveux. Ses yeux bleus brillants, fixés sur la vitre enfumée, regardant la forêt de mâts, les cordages pendants et les voiles, dans le dock en face, une main efféminée, blanche, posée sur la table devant lui, et les doigts effilés de l'autre plongés dans sa chevelure frisée. Il avait à peine 21 ans. C'était l'enfant gâté d'une veuve, le fils orphelin d'un officier de marine, élu de l'adoré de la moitié des femmes du port de mer de Willborough. Il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il fût alors un élégant et un jeune homme à la mode, et que sa chevelure bouclée, qu'il séparait sur son front blanc, fût attachée sur son collet d'habit, avec un joli ruban rouge, les dimanches et jours de fête. Sa cravate et ses manchettes étaient toujours en fine dentelle, montées par les mains de sa mère chérie, ses habits faits par un tailleur de Londres qui avait travaillé pour Lord March et George Selwyn. Il portait des souliers à boucles de diamants, une fine épée de cour, en dehors des heures de bureau. Moi aussi j'étais orphelin, mais j'étais doublement orphelin. Dès mon enfance, j'avais perdu mon père et ma mère. J'avais été jeté dans une maison de correction. J'avais ramassé ça et là des débris d'instruction sous les plus durs maîtres et poussé dans les bureaux de la maison Tyndale et Tyndale à l'âge de 10 ans. Garçon pour les courses, porteur de paquets, garçon de bureau, petit commis, un à un j'avais gravi les échelons de cette pénible échelle que j'avais commencé au premier. Et à l'âge de 20 ans, je me trouvais où ? Revêtu d'un certain caractère commercial, j'étais l'égal de Christophe Weldon, le fils d'un gentleman. Combien de fois, moi, misérable orphelin d'un blattier ayant fait banqueroute, j'entendis cette phrase, le fils d'un gentleman. J'avais une position commerciale, dis-je, moi, Samuel Lowgood, qui avait été maltraité pendant 11 longues et fatigantes années, et malgré tout, j'étais devenu un bon comptable et un mathématicien consommé. J'étais au même rang que Christophe, qui était dans les bureaux depuis juste un mois, pour voir, comme disait sa mère, si cela lui conviendrait. Il était aussi utile dans la maison que l'eût été une poupée de cire, et ainsi qu'une poupée, il paraissait très joli. Mais M. Tyndale et Tyndale avaient connu son père. Tyndale aîné connaissait son oncle. Tyndale jeune était lié avec son cousin qui demeurait à Londres, de sorte qu'il entra tout de suite dans les bureaux comme employé de dernière classe, mais avec toutes les chances, comme me le disait un ancien commis, d'arriver plus haut s'il s'y prenait bien. Il savait autant de mathématiques qu'un enfant au maillot. Mais il était très habile à dessiner à la plume l'esquisse de jolies filles, aux cheveux poudrés, aux jupes flottantes et en robe à paniers, en sorte qu'il s'amusait beaucoup à ce genre de divertissement, ainsi qu'à la lecture des romans de M. Henry Fielding derrière son pupitre. Les employés supérieurs le laissaient tranquille, tandis qu'il me gourmandait pour ne pas faire sa besogne et la mienne. Je le détestais. Je détestais ses manières infatuées et ses airs de hauteur. Je détestais son visage jeune, radieux et joli, avec un encadrement de cheveux blonds et ses beaux yeux bleus pleins d'espérance. Je le haïssais à cause de l'épée qui se balançait sous les pans de son habit de brocart, à cause de l'argent qu'il faisait sonner dans les poches de son gilet, à cause des deux montres qu'il portait les grands jours, à cause de son rire joyeux, de sa voix mélodieuse, à cause de ses manières engageantes qui lui attiraient l'amitié de tout le monde. Je le détestais à cause de tout cela. Mais par-dessus tout, je le haïssais à cause de l'influence qu'il avait sur Lucie Maldon. Lucie vivait des libéralités de la maison Tyndale et Tyndale. Elle prenait soin de l'habitation de ville, touchant à la maison de commerce et qui communiquait avec les bureaux. On ne savait que peu de choses sur son compte, sinon que c'était la fille d'un vieil employé retraité dont la vue s'était usée sur les grands livres de la maison Tyndale et Tyndale, et qu'elle habitait avec son père dans cette triste et vieille maison déserte. Une ou deux fois par an, les deux frères se mettaient dans la tête de donner à dîner dans cette demeure abandonnée, et à cette occasion, les vieux meubles en chêne étaient vernis et quantité de bougies allumées dans des candélabres d'argent. On découvrait alors les tristes peintures des Tyndale morts et disparus depuis longtemps, armateurs et négociants, du temps de Guillaume et de Marie. Mais pour le reste de l'année, Lucie et son vieux père aveugle avaient à eux deux la vaste demeure, avec ses longs corridors obscurs et ses immenses chambres, dans lesquelles la lumière pénétrait rarement. La maison communiquait au bureau, et l'habitation et les bureaux formaient les trois côtés d'un carré dont le dock formait le quatrième. Les bureaux dans lesquels Christophe et moi étions employés se trouvaient juste en face de la maison. Je le surveillais la première matinée qu'il la vit, je le surveillais sans qu'il s'en doutât. C'était par une brûlante journée de juillet, et lorsqu'elle eut arrangé la chambre de son père ainsi que la sienne, et mis en ordre le petit salon qu'ils partageaient ensemble, le tout faisant partie d'une suite d'appartements au second étage, elle vint à sa fenêtre, qu'elle ouvrit toute grande, et s'assit en se mettant à coudre. Elle pensa à la chétive rémunération que lui accordait la maison en retour de ses travaux d'aiguille, qui étaient très beaux. Une rangée de fleurs dans de grands pots de grès abritait la fenêtre. Elle se plaça derrière ces fleurs. Il l'aperçut en un instant, et la plume s'échappa de sa main nonchalante. Elle n'était pas admirablement belle. Je sais qu'elle ne l'était point. Je crois que beaucoup de gens ne l'auraient même pas trouvée jolie. Mais pour moi, de tout point, elle était la plus belle, la plus chère et la plus adorable des femmes. Et il m'est tellement difficile de me séparer de son image que même aujourd'hui, je crois pouvoir esquisser son portrait tel qu'il était réellement. Elle était fort pâle. La vie monotone et triste qu'elle menait dans cette sombre habitation au milieu d'une petite ville maritime dépourvue de toute gaieté avait peut-être blanchi les roses de son teint et assombri l'éclat de ses yeux bruns. Elle avait des cheveux blonds, cheveux doux et longs, qu'elle portait enroulés sur le cou et attachés en masse sur le derrière de la tête. Par un contraste peu ordinaire avec sa chevelure blonde, ses yeux étaient d'un brun foncé, si profonds qu'on les croyait tout d'abord noirs. Ses traits étaient fins et délicats, ses lèvres minces, son visage fin et allongé. Son habillement consistait en un jupon à raies, une robe d'étoffe brune et un tablier blanc. Sa plume lui échappa des mains. Il regarda sa fenêtre et commença à fredonner un air d'opéra forte à la mode. C'était un séducteur tellement sûr de lui qu'il ne cessa que lorsqu'il l'eut, pour ainsi dire, forcé à tourner les yeux du côté de la fenêtre du bureau près de laquelle il était assis. La chanson attira son attention, elle leva les yeux de dessus son ouvrage et le regarda. Elle tressaillit et rougit. Elle rougit d'un incarnat charmant qui illumina son pâle visage comme s'il eût été éclairé par la flamme d'un foyer. Puis, me voyant à mon pupitre, elle fit un signe de tête et me sourit. Nous étions amis depuis des années, et je n'attendais qu'un peu d'avancement pour lui dire combien je l'aimais. À partir de ce jour, et sous n'importe quel prétexte, Christophe flânait dans la maison. Il se faufilait dans l'intimité du vieux père aveugle. Il était assez bon musicien. Il mettait sa flûte dans sa poche, et après l'heure du bureau, il se dirigeait vers leur demeure, s'asseyait à la brune, et jouait des airs auprès du père et de la fille pendant des heures entières, tandis que moi j'étais caché près de la porte extérieure, dans l'ombre et restant à les épier. Oh, combien je le détestais, voyant entre les fleurs leurs blondes têtes près l'une de l'autre et le vieillard aveugle, approuvant du geste, souriant et applaudissant à la musique. Combien je détestais aussi cet air mélodieux de l'opéra de M. Gay. Combien j'avais de haine contre Christophe lorsqu'auprès de Lucie, debout près de la porte du vestibule, entre le grand tabac-jour et le quinquet qui ne servait plus, il se souhaitait le bonsoir. Je croyais voir sa petite main blanche trembler lorsqu'elle lui faisait un signe d'adieu, tandis qu'il s'éloignait dans l'obscurité naissante de la nuit. Devrais-je le suivre? Et lorsqu'il serait arrivé dans un endroit désert, sur le quai étroit, m'élancer soudain sur lui et le précipiter dans l'eau, le pousser dans l'endroit où les bateaux étaient serrés les uns contre les autres, et où il fallut qu'il se noyât en passant sous leur quille, Dieu sait combien de fois je me suis adressé cette question. Je l'épiais pendant des mois entiers. Oh, misère, quelle peine déchirante, quelle sourde torture, quelle longue fièvre d'angoisse et de douleur. Comment lui faire une injure assez forte pour compenser d'un atome la quantité du mal qu'il m'avait fait? un mal imaginaire peut-être, car s'il n'avait pas obtenu son amour, j'aurais pu ne pas le gagner davantage, mais je priais. Je crois que j'étais assez méchant et assez fou pour prier d'avoir les moyens de lui faire une aussi mortelle injure que celle que je croyais qu'il m'avait faite. Un jour, il me regarda avec son air gai et insouciant et me dit, en poussant le pupitre devant lui avec un soupir d'ennui, « Samuel, savez-vous ce que c'est que la note d'un tailleur ?» Je le maudis de tout mon cœur à cause de l'insolence de sa demande. Mais je jetai un coup d'œil sur la manche grasse de mon habit râpé et répondis, « J'ai porté celui-ci depuis 5 ans et je l'ai acheté d'occasion chez un fripier sur le quai. »« Heureux diable » dit-il en riant, « si vous tenez à voir une note de tailleur, regardez ceci. » Il me jeta une longue bande de papier et je regardai le total. Cela me parut si extraordinaire que je fus obligé de regarder plusieurs fois avant d'en croire mes yeux. 37 livres, 13 shillings et 4 pence et demie. J'admire les 4 pence et demie, dit-il. Cela a un air honnête. Samuel, ma mère aurait le cœur brisé s'il voyait cette note. Il faut que je la paye dans une quinzaine à dater d'aujourd'hui. Sans cela, elle apprendrait cette affaire. Combien avez-vous pour payer cette somme ? Dis-je. Mon cœur battait plus fort à la pensée de son embarras. Et le rouge me monta à la figure. Lui s'appuyait la tête avec nonchalance sur sa main, sans faire attention à nous. « Combien j'ai pour payer cette note ? » dit-il tristement. « Ceci. » Et il retourna les 2 poches de son gilet l'une après l'autre. « Cela ne fait rien, » ajouta-t-il avec son ton habituel d'insouciance. « Je puis être riche avant la fin de la quinzaine. » Ce soir-là, il flânait comme à l'ordinaire dans la maison. J'entendis l'air de la chanson « Cessez vos jeux » qu'il jouait sur la flûte. Et j'aperçus les 2 têtes blondes à travers le feuillage sombre du petit parterre de Lucie. J'étais heureux de son embarras. Je l'étais réellement. C'était peu de chose, il est vrai, auprès de ce que je lui souhaitais, mais c'était de l'ennui, et le joli garçon blond aux yeux bleus savait ce que c'était que de souffrir. Les jours se passèrent, et la quinzaine était presque écoulée, mais il ne reparla plus de la note du tailleur. Aussi un jour que nous étions assis comme d'habitude devant notre table, moi, travaillant avec ardeur à calculer une longue rangée de chiffres, lui mâchant le bout de sa plume et jetant un regard de tristesse du côté de la cour, je lui dis « Eh bien, êtes-vous sorti d'embarras ?»« De quel embarras ?» me répondit-il brusquement. « La note de votre tailleur, les 37 livres, 13 shillings et 4 pence et demie. » Il me regarda comme s'il avait eu l'envie de me précipiter à bas de mon tabouret, mais il répondit « Oh oui, il y a longtemps que c'est arrangé. » Il se mit à siffler un de ses airs favoris. « Il y a longtemps. » Je songeais que son embarras avait duré bien peu de temps. Mais malgré cela, il n'était plus le même. Il se tenait assis devant son bureau, la tête plongée entre ses 2 mains. Il répondait brusquement et brièvement lorsqu'on lui parlait, et nous entendions beaucoup moins les airs de l'opéra du mendiant et ceux de Polly. Tout d'un coup, aussi, il devint laborieux et se mit à écrire beaucoup, mais il se tournait de façon à ce que je ne pouvais jamais voir ce qu'il écrivait. C'était pour ses affaires personnelles, je le savais. Que pouvait-ce être ? Des lettres d'amour, peut-être, des lettres pour elle. Une curiosité infernale me saisit, et je résolus d'approfondir son secret. Je quittai le bureau sous un prétexte, et après une courte absence, je rentrai si doucement qu'il ne put m'entendre, et me glissant derrière lui, je me levai sur la pointe des pieds et regardai par-dessus son épaule. Il écrivait sans cesse, en long et en travers, sur une demi-feuille de papier à lettres, la signature de la maison Tyndale et Tyndale. Que signifiait cela ? Était-ce préoccupation, simple distraction d'esprit, un jeu qu'il faisait avec sa plume ? Le jeune Fat avait un petit miroir de poche accroché au-dessus de son bureau. J'y regardais et je vis son visage. Je vis alors ce que cela signifiait. Ma haine pour lui me causait une joie si féroce à la pensée de ce que je venais de découvrir que je me mis à rire tout haut. Il se tourna et me demanda brutalement ce que je faisais. Et en se retournant, il froissa le papier dans sa main en tachant d'encre ses jolis doigts blancs avec l'écriture fraîche. « Espion, serpent, » dit-il, « pourquoi venir ramper ici ?»« C'était seulement pour vous effrayer, monsieur Weldon, » répondis-je. « Qu'écrivez-vous donc que vous avez si peur de me montrer des lettres d'amour ? Mêlez-vous de vos affaires et occupez-vous de votre ouvrage, misérable espion » cria-t-il avec force. « Laissez-moi faire le mien comme je l'entends. »« Comme vous voudrez, faites-le. » répondis-je avec douceur. 2 jours après ceci, à 3h30 de l'après-midi, Christophe demanda à l'un des employés supérieurs la permission de s'absenter pendant 1 heure. Il avait besoin de voir quelqu'un dans la grand-rue, dit-il. Il ne pouvait le rencontrer après 4 heures. Je sentis mon blême visage s'empourprer lorsque mon collègue fit cette demande. Était-ce ce que je pensais? Il y avait 4 mois qu'il était dans le bureau, et c'était à la fin de novembre. À cette époque, il fait presque nuit à 3h30. On lui accorda la permission qu'il demandait sans la moindre difficulté. Il quitta son pupitre, prit son chapeau et marcha lentement vers la porte. Là, il s'arrêta, revint à son pupitre, jeta son chapeau et appuya tristement sa tête sur ses bras croisés. « Je ne sais pas si j'ai envie d'aller voir cet individu à présent, » dit-il. « Quoi donc, Chris ? » s'écria l'un des commis. « Qu'avez-vous, mon garçon ? Êtes-vous amoureux ou avez-vous des dettes ? Que vous êtes si changé ? Ni l'un ni l'autre, » répondit-il avec un léger sourire. « Quoi, pas amoureux, Chris ? Où en êtes-vous avec la gentille petite blonde d'en face ?»« Où j'en suis avec elle ?» répondit-il brutalement. « C'est une petite coquette sans cœur. Elle peut aller haut. » Je lançai avec force le grand livre sur lequel je travaillais sur mon pupitre, et le regardant, je lui dis « Christophe !»« Votre humble serviteur !» répondit-il en goguenardant. « En voilà une figure, et chassez sur vos terres, Samuel. Si vous voulez voir votre ami avant 4 heures, vous ferez bien de vous en aller, Chris, » dit le commis. Il reprit son chapeau, le tourna doucement entre ses mains pendant quelques instants, le mit sur sa tête, puis sans dire un mot à personne, il s'élança hors du bureau et traversa la cour. Elle était debout à sa fenêtre en face, son front appuyé sur le sombre châssis. Je la surpris qui tressaillit et trembla lorsqu'elle l'aperçut. « Si je dois porter ces notes sur la place du marché, je ferai bien de le faire à présent, n'est-ce pas, monsieur ? » demandai-je au chef de bureau. « Vous le pouvez, si vous voulez. » Il y avait un passage par derrière, en traversant des cours et des ruelles étroites, menant des docks à la grande rue, dans laquelle la maison de banque de Tyndale et Tyndale était située. J'étais en train de courir de ce côté lorsque je m'arrêtai et changeai d'avis. « Il passera par derrière, » me dis-je. Je traversai par la place du marché, par le chemin le plus fréquenté. 5 minutes après, j'étais dans la grande rue. En face de la maison de banque, il y avait un petit débit de tabac dans lequel nos collègues avaient l'habitude d'acheter leurs sous de tabac prisé. J'entrai dans la boutique et demandai à la fille de remplir ma boîte. J'avais toutes les manières d'un vieillard et l'habitude de priser. Pendant qu'elle pesait mon tabac, je regardais la grande porte de la maison de banque en face. Un des battants s'ouvrit, un vieillard, un étranger pour moi, sortit. 3 minutes s'écoulèrent. « J'attends un ami, » dis-je à la demoiselle de comptoir. 2 minutes après, la porte se rouvrit. J'avais raison, et je ne fus point surpris. Christophe sortit de la maison et descendit vivement la rue. La nuit ne me permettait point de voir son visage, mais je connaissais bien sa haute taille et sa marche vive. « Je ne suis point étonné, » dis-je, « je suis seulement content. » Pendant le cours de mes longs services dans la maison Tyndale et Tyndale, j'avais vécu si sobrement que j'avais pu économiser un peu d'argent sur mes modestes appointements. J'étais parvenu à entasser, année par année, la somme de 48 livres 15 shillings. « J'en économiserais 100, » me disais-je, et alors je lui demanderais de se marier avec moi. Mais le seul rêve de ma vie était effacé pour jamais, et mon petit pécule tout à fait inutile à présent. Inutile pour acheter l'amour, peut-être il pouvait m'apporter la vengeance. Je mis dans ma poche tout ce que je possédais, et le lendemain matin, aussitôt que je pus trouver une excuse pour sortir, je me hâtai de courir à la maison de banque. « Un de nos employés a présenté un billet ici hier, » dis-je. Le caissier regarda en l'air avec une expression de surprise. « Oui, certainement, on a touché un billet hier. » « Votre gentil collègue le blondin l'a apporté. Voulez-vous me le montrer ?»« Sur ma parole, cela me paraît une singulière demande, peut-être. De la part de M. Tyndale et Tyndale, je... »« Oh, » dit-il, « si vous avez l'ordre de la maison de... »« Peu importe, » répondis-je, « que j'en ai l'ordre ou non. Puisque vous trouvez ma demande extraordinaire, je vais vous la formuler autrement. Voulez-vous avoir la bonté d'examiner le billet vous-même ?»« Oui, volontiers. »« Le voici, » dit-il, retirant un papier d'un tiroir, un billet de 40 livres payable au porteur. Regardez la signature. Mais elle est bonne, je pense. Je crois la connaître assez bien. Regardez l'Y dans Tyndale. Il examina avec attention la signature et fronça les sourcils avec une expression étrange et embarrassée. C'est un peu raide, n'est-ce pas ? Dis-je. Ce n'est pas tout à fait l'écriture courante du vieux Tyndale. C'est assez bien réussi et même c'est une imitation assez parfaite. « Mais ce n'est point tout à fait cela. »« C'est un faux, » s'écria-t-il. « C'en est un. Comment l'avez-vous su ?»« Peu importe, » répondis-je. « Avez-vous des fils, M. Simons ?»« 3. un qui a environ l'âge de Christophe, peut-être, un très gentil, presque de son âge. Alors vous m'aiderez à sauver ce jeune homme, n'est-ce pas? Par quel moyen? En annulant le billet et en remplaçant l'argent. Mon pauvre jeune homme, et qui donnera la somme? Je tirai de ma poche un petit sac de toile, j'en sortis un paquet de billets d'une livre, et j'étalai un tas de guinées sur le bureau du caissier. Voilà la somme complète, dis-je. 40 livres argent comptant pour le chiffon de papier que Christophe a présenté hier à 4h10. Mais qui fournit cette somme? Moi. Christophe et moi avons été collègues depuis plus de 4 mois. J'ai vu sa mère. Je sais quelle est sa tendresse pour son joli blondin, son fils unique. Je connais une jeune fille qu'il aime, et je ne m'inquiète pas de 40 livres prises sur mes économies pour que ceci reste un secret. Pour l'amour de votre propre fils, Monsieur Simons, donnez-moi ce morceau de papier et biffez le billet. Le vieillard me prit la main, qu'il serra dans la sienne cordialement. « John Lowgood, dit-il, il n'y a pas dans tout Willborough un garçon capable d'une action aussi généreuse. Si je n'étais un pauvre homme, ayant bien du mal à gagner ma vie, je mettrais 20 livres dans cette affaire, mais je ne puis que vous admirer et vous respecter. Je n'ose prendre sur moi seul la responsabilité de vous rendre le billet. Mais l'employé supérieur est dans le bureau, je vais aller lui parler. Peut-être, lorsqu'il apprendra tous les détails de l'affaire, consentira-t-il à l'étouffer et fera-t-il ce que vous demandez ? » Le vieillard me quitta et fut absent environ 1/4 d'heure, pendant lequel je restai assis dans le cabinet, silencieux, mon cœur battant avec force. Les commis en second devaient se demander quelle affaire me faisait attendre le retour de leur chef. Il revint enfin en tenant le papier fatal entre ses doigts. « J'ai eu bien de la peine, me dit-il, mais j'ai réussi. » Je partis d'un éclat de rire, lorsqu'il me remit le faux billet en échange de l'argent que je lui comptais. « Riez, riez, » dit le vieux caissier, « vous pouvez avoir le cœur gai, Samuel, car vous êtes un brave garçon. » Dans une pièce, derrière notre bureau, il y avait un grand coffre qui ne servait pas depuis des années. Les employés me l'avaient laissé pour mon usage particulier. J'avais placé une boîte très solide, à fermeture en fer, que j'avais achetée chez un brocanteur sur le quai. Je renfermais le billet dans cette boîte. La bonne humeur de Christophe l'avait tout à fait abandonné. J'avais un si grand plaisir à le voir triste et préoccupé, tandis que j'étais assise auprès de lui, que tout en ayant l'air de m'occuper de mon travail, j'en négligeais presque ma besogne. Plus d'air d'opéra, plus de chansonnettes, plus de musique sur la flûte le soir dans la vieille maison. « Ce jeune Weldon perd son étourderie et devient laborieux, » disaient les commis. « Il fera son chemin dans le monde, soyez-en sûrs. »« Laissez-le aller. » « Laissez-le aller, pensais-je, laissez-le travailler, laissez-le s'élever à l'échelle des grandeurs, et lorsque l'orgueil aura atteint l'échelon le plus élevé, alors... » Le mois de mars suivant, on fit des changements dans les bureaux. Les Tyndale avaient une succursale de leur maison dans Thomas Street à Londres, et Christophe y fut placé avec presque le double des appointements qu'il touchait à Willborough. Le changement se fit subitement. On demandait dans les bureaux de Londres un employé ayant des dehors et de bonnes manières. Weldon était l'homme qu'il fallait. Il y avait plus de 2 mois que je n'avais parlé à Lucie, et je crus devoir aller lui apprendre cette nouvelle. « Je finirai par découvrir si réellement elle aime, » me dis-je. Elle était assise à son ancienne place, près de la fenêtre, dans la fraîche pénombre du printemps, lorsque je suivis son père dans l'appartement et lui souhaitais le bonsoir. Elle n'était point plus pâle, car elle l'avait été toujours, ni plus sérieuse, ayant toujours eu l'air grave. Mais malgré tout, je vis qu'elle avait souffert. Ma présence ne parut pas plus l'affecter que si j'eusse été tout autre part qu'auprès de la vieille chaise en chêne sur laquelle je m'appuyais en lui parlant. Elle me regardait lorsque je lui adressais la parole et me répondait avec douceur et politesse, puis elle baissait les yeux sur son ouvrage. Je savais que j'étais venu, comme à l'âge que j'étais, pour déchirer ce cœur généreux et innocent, mais je ne pus résister à l'infernale tentation. « De sorte que notre gentil blondin va bientôt nous quitter, » dis-je. Elle savait de qui je voulais parler, et je vis sa broderie trembler dans ses mains. « Christophe ? » murmura-t-elle. « Le jeune monsieur Weldon, » répondis-je. « Oui, le commis gentilhomme. Il part pour ne jamais revenir ici, je crois. Il entre dans la maison de Londres pour faire sa fortune. » Elle ne répondit pas, ni ne fit aucune question. Elle était assise et cherchait à assembler les couleurs vives de la soie en s'abîmant la vue sur le patron difficile qu'elle avait devant elle. Mais je vis combien j'avais torturé profondément ce pauvre cœur brisé et combien elle l'avait aimé. 10 ans après, jour pour jour, j'étais dans la même chambre, elle travaillait auprès de la même fenêtre, et je lui demandais d'être ma femme. « Je ne vous demande pas, lui dis-je, l'amour que vous avez donné à un autre il y a 10 ans. Je ne vous demande point cette beauté que ceux qui me parlent de vous disent être effacée de votre triste visage. Vous serez toujours pour moi la plus jolie des femmes, et votre douce alliance me sera plus chère que l'amour passionné d'une autre, Lucie. Voulez-vous m'épouser ?» Elle bondit sur sa chaise, laissa tomber son ouvrage sur ses genoux, et tournant son visage vers la fenêtre, elle sanglota avec force. Je ne l'avais jamais vue pleurer avant ce jour-là. Enfin, elle se retourna vers moi, son visage baigné de larmes, et dit « Samuel, depuis 10 ans, jour par jour, nuit par nuit, j'ai attendu qu'un autre vînt me dire les paroles que vous venez de m'adresser. J'avais droit d'attendre qu'il finirait par me les dire. Il ne l'a pas fait. Pardonnez-moi, si mon cœur se brise de nouveau en entendant ces paroles prononcées par un autre. Il est devenu un homme très heureux à Londres, lui dis-je. Lucie, voulez-vous être ma femme ? Elle sécha ses larmes, et s'avançant lentement vers moi, elle plaça sa petite main blanche de la mienne. « Cela veut-il dire oui ? » demandai-je. Elle ne fit que baisser la tête pour toute réponse. « Dieu vous bénisse, et bonsoir. » Un an et demi après notre mariage, de grandes nouvelles arrivèrent dans la vieille habitation de Willborough. Christophe avait épousé la fille d'un noble et était sur le point de devenir l'associé de la maison Tyndale et Tyndale. Une ou deux soirées après que nous eûmes appris ces nouvelles, le marteau à tête de dragon de la porte cochère retentit avec bruit. Ma femme et moi demeurions, avec la permission des patrons, dans les anciens appartements, car j'étais devenu premier employé dans les bureaux de Willborough. J'étais en train de terminer des comptes que je n'avais pu finir dans la journée, de sorte que ma femme, entendant le bruit du marteau, me dit « Je vais ouvrir, Samuel, tu es fatigué. » Elle avait été constamment une douce et bonne épouse. Peu après, je me levai vivement et descendis rapidement les escaliers. Je venais d'entendre une voix que je reconnaissais dans la salle en bas. Ma femme était étendue sur les dalles froides et Christophe était penché sur elle. « Pauvre petite créature, disait-il, elle est évanouie. »« Ceci me décide, me dis-je. Avant peu, j'aurai la valeur de mes 40 livres sterling. » Christophe était venu pour nous annoncer, à nous les gardiens de la maison, qu'il allait l'occuper avec sa femme, Lady Belinda Weldon. Le lendemain, un régiment de tapissiers qu'il avait amené de Londres se mirent à l'ouvrage et arrachèrent les vieilles tentures. Ma patronne vint aussi dans une chaise dorée et donna ses ordres pour avoir ici une chambre tendue en bleu, là une en rose, des moulures claires et des panneaux dorés dans le salon, un autre en vert clair et argent. Et une gouvernante en chef vint, après le départ de la maîtresse, avertir ma femme qu'il fallait nous préparer à quitter la maison dans une semaine. En 8 jours, tout fut transformé, et à la fin de la semaine, Christophe devait donner un grand dîner auquel devaient assister les Tyndale et Tyndale pour inaugurer son entrée dans l'association. Comme j'étais premier employé dans la maison, je fus honoré d'une invitation. Mon ennemi avait atteint le plus haut degré de l'échelle. Riche, aimé, considéré, l'époux d'une charmante et altière femme, associé d'une riche et importante maison dans laquelle il était entré en qualité de simple employé, qu'est-ce que la fortune pouvait faire de plus pour lui ? Mon temps était venu, le temps voulu pour que je puisse l'écraser. J'attendrai la fin du dîner, que les toasts aient été portés et que les beaux discours soient terminés. Puis, lorsque Tyndale l'aîné aura proposé de boire à la santé du nouvel associé dans un discours plein d'éloges, je lui passerai le faux billet. La nuit qui précéda le dîner, je fus dans un tel état d'agitation qu'il me fut impossible de dormir. J'entendis sonner toutes les heures à notre petite pendule dans notre chambre à coucher. Les Tyndale, nous avaient donné pour logement des bureaux vides et assez de mobilier pour les meubler confortablement. 1, 2, 3, 4, 5. Les tintements aigus de la pendule semblaient frapper sur mon cerveau. Les heures paraissaient sans fin, et je croyais quelquefois que la pendule de notre chambre et toutes les horloges de Willborough s'étaient arrêtées ensemble. Enfin, vers 6 heures du matin, je tombai dans un sommeil fiévreux, et je rêvais aux faux billets qui étaient toujours enfermés dans une boîte dans l'intérieur du coffre placé dans l'arrière-bureau. Je rêvais qu'il était perdu, que j'allais vers ma boîte et que le billet faux était absent. L'horreur de cette pensée me réveilla en sursaut. Le soleil donnait en plein par la fenêtre et les horloges des églises sonnaient 9 heures. J'avais dormi plus tard que d'habitude, ma femme s'est élevée et était assise, travaillant à sa broderie dans un petit salon. Elle était toujours très calme et très tranquille, et généralement, elle travaillait toute la journée. Mon premier mouvement en m'éveillant fut de regarder sous mon oreiller pour y trouver ma montre et son ruban noir auquel était attachée la clé de ma boîte. La clé du coffre était accrochée dans le bureau, attendu qu'on n'y renfermait rien d'important. Ma montre et la clé étaient à leur place. Mon esprit était soulagé, mais j'eus une fièvre d'impatience toute la journée. « Je ne sortirai pas le phobier de sa cachette avant le dernier moment, » me dis-je, « pas avant l'instant où je mettrai mon chapeau pour aller dîner. » Ma femme me fit mettre des habits couleur foncée que je portais habituellement le dimanche. Elle plissa mes manchettes et arrangea ma cravate de linon au coin brodé. J'avais déjà l'air d'un vieillard, quoique je n'eusse guère que 33 ans, et Christophe était plus beau que jamais. À 4 heures de l'après-midi, la cour était encombrée de chaises à porteurs et de laquais poudrés. Ma femme se tenait à la fenêtre, regardant la société qui descendait de voiture devant la grande porte. « Tu ferais bien de partir, je crois, Samuel, » me dit-elle. « Les Tyndale viennent d'arriver. »« Ah, voici Milady Belinda à la fenêtre. Comme elle est jolie. Qu'elle est belle, avec de la poudre, des diamants et son corsage de satin jaune. »« Tu as plus le droit de porter du satin jaune et des diamants qu'elle, » répondis-je. « Moi, Samuel ?»« Oui. » « Parce que tu es la femme d'un honnête homme et qu'elle ne l'est pas. » Je crus que, par amour pour lui, elle allait s'emporter et me quereller, mais elle détourna simplement la tête et se mit à pleurer. « Tu seras en retard, Samuel, » dit-elle. « J'ai quelque chose à prendre dans l'arrière-bureau, et alors je serai prêt, » répondis-je. Quelque chose d'infernal avait dû s'en mêler. Il n'était plus là. On n'en voyait pas de traces. D'abord, dans ma colère aveugle et folle, je jurais tout haut. Puis après, je tombai à genoux devant ma boîte ouverte et je pleurai amèrement. Je versai des larmes de rage et d'angoisse. Il n'était plus là. Après cela, j'eus une fièvre cérébrale qui me retint au lit pendant 9 semaines. Christophe vécut et mourut négociant, riche, honoré, choyé, admiré et aimé. Ma femme et moi, pauvres et sans enfants, nous avions coutume de rester à notre fenêtre le soir, regardant ses enfants jouer dans la cour, au-dessous de nous, et écoutant leur voix pure résonner dans la maison en face. 13 ans et 5 mois après notre mariage, Lucie mourut entre mes bras. Les dernières paroles qu'elle m'adressa furent celles-ci. « J'ai fait de mon mieux, Samuel, pour remplir mon devoir. Mais mon existence n'a jamais été heureuse. Je ne t'ai trompé qu'une fois depuis notre mariage. Par l'action que j'ai commise, je t'ai empêché de faire tort à un homme qui ne t'en avait jamais fait. Une nuit, Samuel, tu parlas en rêvant, et j'appris confusément par tes paroles entrecoupées l'histoire du crime de Christophe Weldon. J'appris aussi les intentions que tu avais en gardant ce faux billet, la seule preuve qui exista contre lui. J'appris l'endroit où tu cachais cette preuve, et pendant ton sommeil, je pris la clé sous ton oreiller et j'ouvris la boîte. Le billet est ici. » Elle le tira d'un petit sac de soie noire qu'elle portait suspendu à son cou par un ruban, et me le donna. « Samuel, mon époux, nous avons lu la Bible ensemble tous les dimanches soirs depuis 13 ans. Veux-tu faire usage de ce billet, à présent ?»« Non, Lucie, non, mon ange, non, ma chérie, non. Tu l'as sauvé de la honte, et moi du péché. » Tous les employés de la maison Tyndale et Tyndale suivirent le convoi de ma femme. Non seulement tous les commis étaient présents, mais pâle, abattu, beau toujours, sous son long manteau de deuil, Christophe se tenait debout dans le cercle des personnes qui entouraient la fosse. Comme nous quittions le cimetière, il vint à moi et me serrant la main. « Soyons meilleurs amis à l'avenir, Samuel, » me dit-il. « Ma femme, en mourant, m'a prié de vous remettre ceci, » répondis-je en lui donnant le faux billet. Ainsi s'achève La vengeance de Samuel Lowgood par Marie-Elisabeth Braddon.